Peu d'hommes ont éprouvé réellement dans leur vie la sensation terrible d'aller à la mort. Ceux qui reviennent de l'échafaud se comptent. Mais quelques rêveurs ont vigoureusement senti cette agonie en rêve. Ils en ont tout ressenti, jusqu'au couteau qui s'applique sur le cou dans le moment où le réveil arrive avec le jour pour les délivrer. Eh bien, la sensation à laquelle le conseiller d'État fut en proie à 5 heures du matin, dans le lit élégant et coquet de Crevel, surpassa de beaucoup celle de se sentir appliquée sur la fatale bascule en présence de 10 000 spectateurs qui vous regardent par 20 000 rayons de flamme. Valérie dormait dans une pose charmante. Elle était belle, comme sont belles les femmes, assez belles pour être belles en dormant. C'est l'art faisant invasion dans la nature. C'est enfin le tableau réalisé. Dans sa position horizontale, le baron avait les yeux à 3 pieds du sol. Ses yeux, égarés au hasard, comme ceux de tout homme qui s'éveille et qui rappelle ses idées, tombèrent sur la porte couverte de fleurs peintes par Jean, un artiste qui fait fi de la gloire. Le baron ne vit pas, comme le condamné à mort, 20 000 rayons visuels. Il n'en vit qu'un seul, dont le regard est véritablement plus poignant que 10 000 de la place publique. Cette sensation, en plein plaisir, beaucoup plus rare que celle des condamnés à mort, certes un grand nombre d'Anglais splénétiques la payeraient fort cher. Le baron resta, toujours horizontalement, exactement baigné dans une sueur froide. Il voulait douter, mais cet œil assassin babillait. Un murmure de voix susurrait derrière la porte. « Si ce n'était que Crevel voulant me faire une plaisanterie !» se dit le baron en ne pouvant plus douter de la présence d'une personne dans le temple.